L'émission Hors-jeu vous est présentée par le danslescoulisses.com. Le danslescoulisses.com, c'est le spécialiste dans l'actualité et les rumeurs dans la Ligue nationale de hockey et chez le Canadien de Montréal. Pour savoir ce qui se passe avant même que ce soit une nouvelle, le danslescoulisses.com. Et par Sacha Lefebvre, illustrateur. Pour tous vos besoins en imagerie, logo et infographie, c'est Sacha Lefebvre, le spécialiste. Communiquez avec lui au sachalefebvre.daportfolio.com. Il saura mettre votre imaginaire en dessin. Sacha Lefebvre, illustrateur. Amateurs de hockey, bienvenue. L'émission Hors-jeu débute avec vos animateurs, JB Gagné et Jerry Godbout. Salut tout le monde, bienvenue dans Hors-jeu, votre émission de hockey. Je vais gagner votre animateur accompagné par Jerry Godbout. Hey, salut, c'est moi. Salut. Enregistrement matinal, si vous entendez du marmonnage, des choses dites croche, c'est tough l'addiction à matin. Je sais pas qu'est-ce qu'on a mangé tous les deux hier soir, là, mais hey, boy, c'est pas facile. Épisode 16 de Hors-jeu, épisode Marcel Dionne. Je te disais en dehors des ondes que tant qu'à moi, Marcel Dionne, meilleur que Guy Lafleur, mais comme il n'a pas joué à Montréal, il jouait à LA, pas mal moins reconnu. Bon, on ne pourra jamais vraiment déterminer qui était le meilleur des deux, mais mettons là, que c'est 1771 points en 1348 matchs. C'est assez solide. C'est ouais, c'est pas pire. Je prenais une gorgée de lait, parce qu'on est le matin, moi je bois du lait. Pas de joueur au nom tout croche. Pourquoi? Parce que je suis tanné. Voilà. C'est tout. Hey, c'est la meilleure raison que tu peux donner. Pour vrai, ben, je prends exemple sur toi avec tes semaines, c'est semaines, ou ouais. Tes price, c'est price. C'est un raisonnement solide qui s'explique par lui-même. Moi, je bois du lait parce que je bois du lait. That's it. J'aime ça, ça. C'est tout. au moment d'enregistrer, nous sommes le 23 avril. Il y a 4 matchs de fait dans la série Sénateur-Montréal. Et le Canadien mène, bien sûr, 3 victoires à 1. Question de vous placer dans la temporalité de la patente. Et donc, on va parler de cette série-là comme étant pas complétée. Si jamais vous écoutez le show puis c'est fait, le Canadien a éliminé les Sénateurs, ben on le sait pas encore. On aimerait ça. Maudit que j'aimerais ça. On sait que ça va se finir dans 5 matchs. Ouais, mais bon. Pour le moment, on ne peut pas confirmer. Fait qu'on va parler dans l'état de la situation des choses comme c'est le cas actuellement. Et je pense que pour commencer, c'est important, je pense, de commencer avec le compte-rendu des différents matchs. On a 4 matchs à passer au travers. Je veux qu'on sorte les plus, les moins des différents matchs qu'on a aimés. Bon, tu comprends le processus? Je le comprends assez bien. OK, bon. Premier match, ça se passe à Montréal. Victoire de 4-3. Tout se passe en deuxième période. Début en veux-tu, en v'là. Entre la 10e puis la 13e minute, il y a 3 buts qui s'est marqué. Ça a été vraiment comme hyper rapide. Et Subban se fait sortir, coup de hache. 2 minutes de pénalité plus un 5 pour... Non, c'est un 5 ou c'est un 10? Non, c'est un 10 pour inconduite de partie. Tu fais sortir, on se demandait si Stone était blessé. Finalement, micro-fracture, on revient au match. Qu'est-ce que tu as pensé de cet affrontement-là? Pour commencer, micro-fracture, tant qu'à moi, c'est juste pour mettre de l'huile sur le feu. Le match en tant que tel, bon, comme tu as dit, ça s'est tout passé en deuxième période. Là. Je veux dire, c'est pas mal tout là que ça s'est joué. Hey, je peux-tu faire... Avant que tu continues, OK? Je veux juste placer la patente. Moi, là, je suis en examen, OK? Premier match des séries. Je suis excited, man. Comme une jeune pucelle sur le... à la plage devant, genre, l'équipe de football de son collège. You know, OK? C'est... Man, je suis comme... OK? C'est... Exciting, ok? En tout cas, j'aurais juste moi aussi, je te dis ça, mais cet extrait-là, je vais garder le grain, ça va sortir un bon nez. Et donc, je me peux plus. J'ai un examen. J'ai tellement pas la tête à ça, man. J'ai clenché mon examen comme t'as jamais vu ça. J'ai bien fait, là. Inquiétez-vous pas, là. Je vais passer mon cours, là. J'ai eu des bons résultats, là. Mais maudit que ça me tentait pas d'être là, OK? Je sors de l'examen. Première affaire que je fais, je regarde mon téléphone. C'est 1-0 Ottawa. J'embarque dans mon char. C'est la pause entre la première et la deuxième. Et je suis à Gatineau, OK? Et moi, je couche ce soir-là à Ottawa chez mes belles-sœurs. Et au moment où est-ce que le premier but de Torrey Mitchell se marque, je suis sur le pont Alexandra. Pour vous faire une image, le pont Alexandra, ça relie la ville de Gatineau et d'Ottawa. C'est un pont qui est en grillage. Tu sais, tu passes une grille de métal, c'est capoté et t'es à 200 mètres à peu près du Parlement. Quand tu traverses le pont, tu passes par l'arrière du Parlement. Et à ce moment-là, moi, je suis sur la rue, ses lumières, et je klaxonne ma vie. Wouah! Torrey Mitchell marque! Wouh! J'étais en pleine ville d'Ottawa, puis je cheer solide pour le Canadien. Et c'est même pas subtil, j'ai le son dans le tapis, des fenêtres ouvertes. Et donc, j'étais vraiment heureux de vivre, genre, ce match-là à Ottawa, mais cheerer pour la mauvaise équipe. Fais de l'expérience. C'est correct, ça. Ça m'a comme fait des fois, je fais comme hey, je suis tellement pas dans le bon spot. Il y a beaucoup de fans de Paris du Canadien dans le coin. Oui, quand même, mais je trouvais ça comme. C'est comme dans leur face. Là, je l'écoutais en français en plus avec Martin McGuire. Puis là, j'étais dans mon char. Puis tu sais, comme represent. Là, j'étais Canadien à Ottawa. Yeah, man, je suis badass. Mais j'avais mes portes barrées. Juste au cas. Bonne idée, ça, c'est une bonne idée. OK, donc on revient au match. Tout se passe dans le deuxième. Oui, puis c'est ça, dans le fond, il y a eu deux buts, mettons, du Canadien en 15 secondes. Là. C'était 7-53-8-8, les timers des deux premiers buts du Canadien. Là. Ah, c'est ça, c'est ils t'ont reparti le match avec ça, puis c'est sûr que c'était pas un match de goaler. Là, je veux dire, des deux côtés, moi, tant qu'à moi, ils ont mal paru, puis dans les deux buts de 15 secondes, moi, je pense que la ballon Hammond, c'est là qu'elle a pété. Ben, on savait à partir de ce moment-là qu'on était capable de le percer. Ben ouais, pour ben le ouais. Moral des troupes du Canadien, pour la confiance, c'était parfait. Ça, là. Ça a fait du bien. Ben oui. Mais c'est sûr que malheureusement, ce qu'on va retenir de ce match-là, c'est vraiment juste le coup de hache de Subban. Je veux dire, d'accord, pas d'accord. Je sais qu'on n'était pas d'accord, toi et moi. Moi, j'étais pro-suspension. Mais en même temps, j'ai tempéré mes propos à la suite du coup que c'est David Perron qui a fait ça, le joueur des Pingouins. Ouais, et écoute, il y a eu un 2 minutes, puis le geste, c'était vraiment pareil. Là. C'est la même affaire. Fait, tu sais, le deux poids, deux mesures, puis là, je me dis, ben écoute, c'est parce qu'il y a le joueur des Sénateurs qui a peut-être, entre guillemets, exagéré. Non, il n'a pas exagéré, il a acté la douleur. Je suis pas médecin, man. J'étais pas dans la chambre. Je ne sais pas quel genre de piqûre qu'ils ont fait ou non. S'ils ont donné de la cortisone et qu'ils retournent au jeu. Fait que, tu sais, je peux pas juger ce bout-là. Non, c'est sûr, moi non plus. De ce que je peux voir, c'est qu'il est revenu au jeu et mettons qu'ils sortent. Ah, panique. Ah, ma mère. Dans la chambre des joueurs. Mettons que ça a dû aider à bonifier la pénalité. Ben oui, là. Moi, tant qu'à moi, il aurait pas fait ça. Il aurait eu un 2 minutes. Mais ben, il méritait pas un 5 minutes. Je veux dire, je regarde là encore la vidéo, là, parce que je suis le même, je suis rancunier. Non, mais t'aimes ça ressasser. L'affaire, c'est que je comprends, puis je le sais qu'il y a une section dans le règlement qui fait que quand sur un slashing, t'as un 5 minutes, t'es expulsé de la game. Ça, je le comprends. Sauf que il regarde même pas le joueur. T'sais, il regarde Stone, il regarde en avant, puis il donne un coup de bâton. Tant qu'à moi, c'est clair qu'il faisait l'autre bâton comme pour le déranger, comme tous les joueurs font dans la Ligue nationale. Puis il a juste été malchanceux, puis il a pogné en haut du gant pour que ça frappe directement. On s'entend que je m'entends, ça doit faire mal pareil. Là. À un point où ce que t'as vraiment mal, mais peut-être pas à te garocher de même, comme si ta main venait d'être slashée comme de Darth Vader sur Luke Skywalker. Là. j'ai un peu de misère justement avec la réaction de Stone. Puis comme tu dis, David Perron sur Carl Hagelin, c'est la même affaire. Puis tu sais, il y a du monde qui dit ouais, mais il n'y avait pas rondelle, c'était encore plus dangereux. C'est quoi le rapport? Des coups de bâton de même, ils s'en donnent à plus finir dans le national. Là. C'est tout le temps, tu sais, comme hier, j'ai regardé le match, puis il y a tout le temps des coups de bâton. Là. Je trouvais que la distance entre Subban et Stone était pas mal grande. Oui, c'est vrai qu'elle était plus grande. Tu sais, honnêtement, à Star, je vis avec là, la suspension. Pas la suspension, mais l'expulsion. Je trouve ouais, parce pas qu'on que a ça en méritait. Match, c'est, ben plus, oui, pis non. C'est plus facile à passer. Puis honnêtement, de l'autre côté, j'aurais. C'est sûr que j'aurais peut-être été content qu'il ait expulsé, mais je pense pas qu'il aurait mérité une expulsion. C'est interchange des deux joueurs. J'aurais peut-être un petit peu plus capoté parce qu'il aurait frappé Subban. Mais moi, dans ma tête, ça aurait été un 2 minutes pareil. Puis tu l'as vu justement avec le match David Perron qui frappe Carl Hagelin, qui avait la rondelle, que lui, il a rien senti. Et si tu regardes la vidéo correctement, il frappe à la même place en dessous du gant. Probablement qu'il y avait un protecteur ou qu'il a juste, il était dans l'adrénaline de possession de rondelle puis il a fait genre, je m'en calisse. Mais c'était la même affaire. Même affaire. Fait que moi, c'est ça, je comprends pas. Là, t'as un comparable qui fait que la décision, je la trouvais trop exagérée sur Subban. C'est mon opinion. Peut-être. Mais moi, je trouvais que c'était pas nécessaire comme geste de la part de Subban. Et tu sais, je l'adore. Là. Je l'aime en tant que joueur. Il est flamboyant. Il est le fun à voir aller. Mais c'était comme une petite démonstration de manque de maturité. On dirait qu'il avait vraiment donné le coup de bâton. Il était tellement loin que on dirait qu'il avait vraiment visé le joueur. Peut-être qu'il avait dit quoi, genre 2 minutes avant, puis qu'il a voulu se venger ou quoi que ce soit de même. Là. Mais d'aller en avant du joueur puis d'y bloquer son bâton avec son corps, aller vraiment le coincer, ça aurait pas été mieux que de donner un coup de bâton? Ben t'sais, oui. T'sais, c'est la méthode utilisée pour arriver à ses fins, moi, que j'ai vraiment eu de la misère. T'as totalement raison. Moi, en fait, ce coup-là, je le vois un peu comme le gars qui veut frapper le gars en zone neutre parce que l'autre, il rentre dans la zone, manque sa shot, sort le genou. Mm. C'est la même affaire. Il était pas assez proche, il voulait le déranger, il a donné un coup de bâton. Moi, personnellement, c'est directement ce que je vois. C'est sûr que c'est. Puis en plus, il n'y avait pas la rondelle. Fait que Subban avait le temps d'aller se positionner à côté. Tu sais, on s'entend, là. C'est pas. Tu donnes un coup de bâton ou tu peux rien faire. Non, non. C'était. Tu donnes un coup de bâton ou tu prends la fraction de seconde, te rendre, aller le coincer, puis te faire ton blocage défensif plus efficacement encore, tu sais. C'est le choix du jeu, moi, que j'ai vraiment fait comme, ben, c'est donc bien gratuit, oui, ok. Puis en plus, ben, avec l'acting possible, je mets ça entre guillemets, possible, de Stone, ben, c'est clair que ça a mis de la moutarde, puis de la relish, puis des cornichons dans le burger, tu sais. Ouais, c'est sûr. Résultat de ce match-là, 4-3. Ce que j'aime de cet affrontement-là, par exemple, c'est la tenue de Brian Flynn, puis Torrey Mitchell. Flynn, un but, deux passes. Merci, bonsoir. Lui, il vient de se faire apprécier par les partisans de Montréal pour l'éternité. Là. J'ai hâte qu'on soit rendu au 4e match. On parle de Flynn. Ah ouais, OK. Il a son ticket, genre, pour le bonheur. Donc, j'aimais ça, la levée des gars du 3e, 4e trio. D'ailleurs, on va y revenir, là, des gars de 3e, 4e qui sauvent la mise du Canadien. Mais ce premier match-là, c'était vraiment l'excitation des séries, je pense, des deux bars. Puis les gardiens de but, comme tu te dis, c'est vraiment eux autres qui ont mangé à la claque. Là. C'était pas bon match pour les gardiens. Là. Fait que, donc, c'est pas, à moins que tu aies d'autres choses, ce serait pas mal ça pour le premier match. Ouais, c'est pas mal ça. Deuxième match. Et là, ben, on voit que la tendance est à offrir de moins en moins de buts chez les gardiens. Victoire de 3-2 en prolongation du Canadien de Montréal, Alex Galchenyuk qui marque. Les autres, c'est Pacioretty et Subban qui ont été les marqueurs. Chez les Sénateurs, Mick Archer et Wilkosz qui ont été les buteurs. Tes commentaires, Jerry? Là, tu te rends compte que, ben, sérieusement, je pense 2 buts sur 3 Hammond a laissé passer, c'était des cadeaux. Hein? C'est très ordinaire, surtout le but de Galchenyuk. Ouais, vraiment. Sinon, en général, ça patinait beaucoup, ça frappait beaucoup. Ça, c'est une autre affaire du premier match qu'on n'a pas dit. C'était physique un petit peu pire. C'était super bon. Je pense que c'était un match super normal, puis on s'attendait à de la vengeance de la part d'Ottawa, qui est pas venue. Puis sérieusement, bravo. Moi, je trouve ça correct qu'il n'y ait pas eu de gestes disgracieux encore pire ou que ça soit fini comme en bras. En, je cherche mes mots. Ouais, que ce soit en matière générale ou peu importe. C'est ça, un festival de la taloche. Là. C'est ça, tu sais, on entendait parler de Chris Neal, va réinsérer, puis. Même Astaire qui est dans l'alignement, lors du quatrième match, on y reviendra, c'est le match le plus soft côté impact physique, puis Neal est là, tu sais, donc ça n'a pas, pas rien changé. Là, en tout cas. Pas en tout. Moi, l'histoire que je retiens de ce match-là, c'est vraiment Subban. Il revient d'une post-suspension finalement. On s'attendait à ce qu'il soit le joueur visé et au lieu de se cacher, au lieu de faire attention, il a été 100% lui-même et il a fronté la situation comme je pense que à peu près seul Piqué dans la Ligue nationale est capable de le faire. Quand la pression est là, Subban est à son meilleur. Il y a eu la première étoile et ça, c'est comme le conte de fées là, qui a été rajouté. Élise Béliveau, la femme de Jean Béliveau, qui avait le chandail de Subban, qui l'avait croisé après le premier match et qui avait dit oh, « ça va aller mieux le prochain match, fais-toi-en pas ». Puis là, Subban il dit en entrevue « ouais, ça m'a aidé, elle a cru en moi, fait que j'ai cru en moi ». Tu sais, on s'entend, là, c'est festival du roman à l'eau de rose, là. Mais ça a marché, tu sais. Ça a fait vendre du papier, ça. J'ai aimé ça, ce genre d'histoire-là, de voir du positif ressortir de ça. Et autant je trouvais le geste de Subban sur Stone que ça avait manqué de jugement, peut-être même de maturité, autant sa réponse aux événements, c'est une grande marque de leadership et de maturité. Non, c'est vrai. Ça, j'avais pas pensé, mais Subban qui est revenu en force, hein, j'avoue que ce serait l'histoire du match. Là, pis c'est un, moi, comme je te dis, c'est un match qui était bien normal. Là, je m'attendais à ce que ça frappe de partout comme cochon, là, mais ça a juste été. Ça frappait beaucoup, mais c'était clean tout le temps. Fait que c'était. Moi, j'ai trouvé ça un très bon match à regarder. Subban, 29 minutes sur la glace. C'est un record, ça? Jean Duncan Keith, dans le match à trois périodes de prolongation, a joué genre 4. Ah ouais, ouais, non, mais pour Subban en tant que tel, si mettons tu parles de trois périodes. T'as-tu déjà fait 30 minutes cake? Faudrait vérifier, là, mais dans ce match-là. C'est le défenseur, en fait, le joueur le plus utilisé. Le plus proche, t'aurais Carson à 27 minutes. Subban, il est à 29. Donc, c'est vrai. Puis Markov est à 26. Donc, 26-42, là, très très proche d'utilisation de Carson. Là, mais vraiment, il y a comme. Il n'y a personne qui s'approche. Il est 2 minutes au-dessus de tout le monde. Je suis en parlant de Markov. C'est pas dans ce match-là, qu'est-ce qu'il aurait dans son but? Qui a scoré dans son but. Qu'est-ce que tu parles? Pas scoré dans son but, là, mais. What? J'ai dit manqué de quoi? Il n'y a pas un match ici. J'ai comme un flash, mais je me souviens pas si c'est là. La rondelle était proche de Price. Puis il voulait y redonner la rondelle. Mais Price était debout. Il était comme. Son bâton était accroché dans le net. Fait qu'il était tout croche. Puis il a glissé la rondelle vers Price. Mais Price était debout. Fait qu'elle est rentrée en dessous, là. J'ai pas vu ça passer, mais ça se peut. Je vais essayer de trouver le lien et je vais te l'envoyer. OK, c'est bon. Non, ça me dit rien. Mais écoute, comme je te dis, moi, la moitié du temps, j'écoute les games à la radio, fait que j'ai peut-être juste pas vu passer. En tout cas. T'aimes pas la voix de Félix Séguin? Je suis obligé de répondre. Non, non, on peut passer au troisième match. OK, c'est bon. Troisième match. Je n'ai que un nom à mentionner. Dade Wiz. Non, ça, c'est plusieurs noms. Parce qu'il y a Dale Louise de. Bon, ok, ben, on continue. Mauvaise blague. Next. C'est vraiment ça. L'histoire du match, c'est Dale Louise fait pas super bien sur un troisième trio. Fait qu'à un moment donné, le coach chatane, Michel Ternier, le met sur le quatrième trio. Et Dale Louise fait comme. Ok, d'abord, marque deux buts. Merci, bonsoir, bye. But égalisateur en milieu de troisième et but gagnant en prolongation. Victoire 2-1 du Canadien de Montréal, de seul marqueur chez les Sénateurs, Clark McArthur. Et à ce moment-là, la série se ramasse à être 0-3 avantage Montréal. Ouais. Il n'y a rien à dire vraiment à part le Delouis qui sauve le match. Enfin, but égalisateur puis en prolongation. C'est juste ça, parce que le reste, c'était moyen. Probablement le match avec le moins d'histoire dans ben cette série-là. Hein? Ouais, puis en plus, c'est le seul que j'ai pas pu regarder au complet. J'étais arrivé, c'était 1-0 à Ottawa. Fait que j'ai vu l'important du match, en fait. Le seul truc qui serait peut-être notable en dehors de la performance de Dewey's, c'est le fait que le coach a des couilles en béton, là. Puis grosse. Je sais pas comment est-ce qu'il fait pour marcher avec ça entre les jambes, là. Mais pour tasser Hammond et mettre Craig Anderson, vraiment, le coach, il y a des balls. Assez pour s'asseoir dessus. Aurais-tu fait le move, toi? Vraiment, 7 buts en 2 matchs. Puis t'as Craig Anderson, qui est ton ancien numéro 1. Je pense qu'il y avait quand même l'argument, surtout avec le dernier match, qui était... comme je te dis, il y a 2 buts qu'il a donné à l'autre équipe, là. Fait que... Puis tu sais, honnêtement, tant qu'à moi, si Hammond aurait vraiment voulu, il aurait parlé avec Cameron, puis il aurait essayé de, comme, vraiment... Hey, je vais répéter des propos de Théodore, puis j'aime pas ça. Mais, OK, attends. Quoi? Non, mais c'est parce que c'est la seule affaire que je trouvais qu'il avait quand même raison, d'un sens. Qu'entends-je? Que qu'est-ce que ça se reproduira plus. OK. Mais tu sais, c'est au goaler de se vendre au coach, puis peut-être qu'il a pas réussi à le faire, tu sais. Ça, c'est une quote de Théodore. Ben, un peu, ouais. Hey, le goaler. C'est du grand, hein, tu sais. La grande parlure, ça, hein? En tout cas... Non, mais c'est vrai. C'est pour vrai, c'est vrai. C'est lui qu'il faut qu'il fasse son... Tu sais, il aurait pu dire à Cameron. Il faut qu'il aille voir le coach. Hey, Cameron, je le sais que je vais rebondir. Je vous ai amené jusque-là. En tout cas, vendre sa salade. C'est en plein ça. Puis si Anderson est dans les nets, c'est parce qu'il n'a pas réussi. Ou bien qu'il s'en calcie, il dit « Fuck off, man, je veux pas avoir la défaite des sénateurs sur le dos. » Parce que lui, ce gars-là, tant qu'à moi... C'est comme tu dis, là, les goalers, t'en trouves tout le temps ailleurs. Puis lui, ben, on l'a trouvé cette année. J'ai l'impression que l'année prochaine, on le retrouvera peut-être plus. T'sais. La bulle est pas mal finie. Hein? Je pense que oui. Moi, j'aurais aimé que les Sénateurs se fassent éliminer en 4 juste pour leur prouver que de se battre pour aller faire les séries pour se faire sortir en 4, ça leur a juste fait perdre McDavid. Ouais, même en 5. Même en 5. Ah, McDavid, j'ai tellement hâte qu'on en parle. Ah, okay, on va y revenir. Match numéro 4, celui qui a eu lieu hier soir. Ben, pour nous autres, là, vous autres, un moment donné. Un moment donné, ouais. Match qui s'est terminé 1-0. Victoire des Sénateurs d'Ottawa. But à 9 minutes 5 de la troisième période. Mike Hoffman, son premier des séries sur une passe de Cody, la princesse Sissi. Et c'est pas mal tout. Price a accordé un seul but. Pas un mauvais but. Anderson a été parfait sur 28 lancés. Tes commentaires, mon Jerry? Ben écoute, j'en ai parlé un peu hier sur Facebook. Puis t'avais pas rallumé ton PC encore, fait que t'as tout manqué. Mais il manquait beaucoup d'intensité de la part du Canadien de Montréal. Peut-être la première période qui était encore sur la lancée des 3 derniers matchs. Mais c'était... Moi, je trouve que c'était pénible. Il n'y avait pas de jambes, il n'y avait rien. C'était de la dentelle qui servait à rien parce qu'il n'y avait pas le souffle pour finir la dentelle. Des passes pas tout le temps précises. Beaucoup de revirements. Check le but qu'on s'est fait scorer, ça a été sur un revirement. De chat Gilbert. Sinon, en général, honnêtement... Le pire, depuis le début de la série, Gilbert est correct. Oui, il est correct, mais il hier... Il est pas mauvais, mais il y a tout le temps... Il y a tout un petit accrochage de même. Tu sais, la passe suicide à Beaulieu. Là, c'est le revirement. Tu sais, il y a tout un petit truc dans un match. Ouais, non, c'est... Tu peux pas y faire confiance à 100%, tu sais. Puis tu sais, Takamu Price ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Là. C'est, il a dégainé en tabarouette, le joueur. Là. Sinon, ouais. Honnêtement, comme je répète, sans Carey Price, c'est pas mal sûr que ça aurait pu finir 4-0. Hey, moi, je veux une clinique de maniement de la rondelle, tu sais, pour apprendre à soulever la rondelle fort. Pour Prost. Parce qu'il part en échappée, il est tout seul, puis il fait une feinte. Puis à la grandeur que les gardiens ont, là, si t'allèves pas quand tu le fais coucher, les gars, ils touchent les deux potets que lui parle. Là, c'est n'importe quoi, ça. Lève-la, bâtard, lève-la! Oh! Juste un petit poke dans les airs, puis elle était dedans. Ah, comme t'as dit, Prost a manqué une opportunité d'avoir un shitload de love. J'avais trouvé ça très très drôle dans mon lit. J'ai réveillé ma blonde. Mais bon, non, c'est pour vrai, c'est l'histoire du match. Ça a été, c'est plate à dire, mais ça a été un peu Anderson, puis le manque d'intensité du Canadien de Montréal qui fait que ça finit 1-0 parce que c'est probablement pas le blanchissage qu'Anderson mérite le plus. Non, parce qu'il y avait pas autant... C'est un peu de la faute des joueurs du Canadien. C'est ça, ben c'est ça, c'est en plein ça. Puis j'ai l'impression d'avoir revu le scénario qui s'est répété beaucoup trop souvent cette année. Et qui fait que oui, le Canadien n'est pas nécessairement un club d'élite. On manque l'esprit du tueur. Ben, ouais, c'est d'achever. Un peu ça. Après la première période, j'avais l'impression que le Canadien, en première période, se disait « Bon, on donne une poussée, on va en marquer deux dans la première, puis après ça, ben, tu sais, on jouera défensif, puis on dégagera pas qu'on va en prendre facile, celle-là. » Ah, mais j'ai ça, moi, les équipes qui jouent de même. Là. Moi, tant qu'à moi, là, ça serait tout le temps, là, faire des games là, plus que de points que tu peux. Hein. En tout cas. Je sais, mais... Puis, rendu là, je reviens avec un débat qu'on a déjà soulevé. Il me semble que c'est à Michel Therrien. Après la deuxième, qui voit que son club est soft comme jamais. Là. T'sais, donne des claques, des casses. T'sais, kicker des, ouais, c'est ça, kicker des poubelles puis des bouteilles de Gatorade. Là. Go, là, c'est le temps. Là. En fait, on y va en ponton de l'an second. Demande à un enfant quadriplégique de marcher en pleine chambre de hockey. C'est le temps. C'est drette là. C'est là. Moi, je veux souligner une performance dans ce match-là. Greg Patterin. Ce gars-là me fait capoter. Il a joué 7 minutes 48, mais la séquence où est-ce qu'il s'est blessé, il s'est fait couper. Le gars, deux grosses mises en échec. Il a sauvé un but en tassant littéralement le gars avant du net. Il te l'a pris, puis il a fait comme « Non, toi, tu resteras pas debout. » Il t'a démoli. C'est ça qu'il faut faire. Belle implication. J'adore ce gars-là. J'ai hâte qu'il puisse développer plus son côté offensif, mais je correct. Je suis satisfait avec le fait qu'il se concentre sur la défensive et ses trucs physiques, son apport physique, les deux éléments qu'il fait le mieux. Il manque la petite coche, tu sais, d'aller être capable d'avoir plus confiance en lui offensivement, mais pour vrai, en arrière de Subban, c'était le deuxième meilleur défenseur. Là. Pour moi, là, hier, là, chez le Canadien. Là. Non, ben il a bien joué. Puis juste son apport physique nous fait oublier des Emlyn. Jean-Sébastien Chapelot, il va être content, mais Emlyn, on va pouvoir l'échanger cet été. Ouais, ben s'il est preneur, parce que son contrat n'est pas facile, là, mais en tout cas, disons que oui, tu as une roue de secours pour pallier à l'absence d'Emlyn en Greg Patrin. À peu près le même style de défenseur, mais je pense qu'il y a un potentiel offensif pas mal plus grand là, chez Patrin. En tout cas, un coup de patin pas mal plus fluide que Emeline. Ouais, puis un très bon shot aussi, qu'on n'a pas vu beaucoup à date, là, parce qu'il se concentre probablement plus sur le défense, un peu comme Beaulieu en début de saison. Là, mais non, c'est l'avenir d'un def. Puis il a une méchante barbe. Et hein? C'est de la barbe. Lui, là, c'est un... C'est un mâle. C'est un mâle. C'est l'homme des cavernes. L'homme des cavernes du Canadien. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de le voir. Si le Canadien se rend jusqu'à la finale de la Coupe en 7, là, c'est clair qu'il va, tu sais, il va faire pâlir de honte Brent Burns. Là, côté barbe. Ça va être Scott Hartnell. Ouais. j'aimerais ça. Juste pour ça, j'aimerais ça. Donc, c'est ce qui fait le tour pour le compte-rendu. On est donc actuellement à 3 victoires contre 1 à l'avantage canadien de Montréal. Et je vais y aller tout de suite avec mon deuxième sujet, Jerry, parce que c'est directement dans la lignée. Je veux savoir, d'après toi, quel club a le plus de chances de revenir de l'arrière dans sa série? Est-ce que ça pourrait être les Sénateurs? Non, je pense pas. Non. Moi, l'équipe, je pense qu'il y a plus de chances de revenir dans la série. Puis j'espère, parce que sinon, je vais avoir l'air d'un cave, là, mais Nashville. Je suis surpris que ça soit 3-1 actuellement. Moi tout, vraiment. Mais il y a deux matchs qui sont finis en prolongation. Il y a cinq matchs, il y a cinq périodes de prolongation dans cette série-là. C'est surprenant. Surtout le match qu'ils ont gagné, Nashville, en plus, c'est 6-2. T'sais, fait qu'ils sont capables de scorer. C'est sûr que eux autres, par exemple, la perte de Shea Weber leur fait mal en tabouère. Ah, c'est clair. C'est logiquement, elle devrait revenir bientôt. Il semble qu'il avait dit qu'il manquerait les deux derniers matchs, puis ça coïncide justement avec les deux défaites. Mais les gros canons qu'il y avait en saison, Fofloc qui se réveille, Mike Ribeiro, Forsberg, c'était eux autres là, l'attaque là, cette année. Hein. Fait que faut qu'ils en donnent plus. C'est sûr que tu vois l'expérience de Chicago. Là, Ils ont des jeunes vétérans, ils ont des joueurs qui sont capables de tout faire sur la glace. C'est surprenant, oui, puis non, dans le sens parce que c'est Chicago, ils ont tout le temps été super bons. Nashville, Ils vont-tu rentrer? Ça va-tu être le nouveau San Jose des séries? Tu sais, ouais, mais en même temps, San Jose, ils n'ont jamais eu ce genre de blessure-là, leur corps arrière au moment opportun. Là. Ouais, c'est sûr, sauf que les meilleurs clubs, quand ils perdent leurs meilleurs joueurs, ils s'arrangent pour gagner pareil. Je ne veux pas faire un parallèle avec, mettons, Subban qui a été expulsé. Ils ont quand même gagné le Canadien, puis c'est clairement un de tes meilleurs joueurs à la défense. Hein. Je sais pas, c'est sûr que ça joue serré, c'est une christie de bonne série là, à date. Là. Mais sinon, moi je pense que ça serait eux autres qui auraient le plus de chance. Les Sénateurs, je pense pas. Je pense que la prochaine game, les Canadiens vont leur rentrer dedans, puis ils vont être à Montréal en plus. Là. Ça va aider en maudit. Je pense que ça va finir là. Sinon, il y a deux autres séries qui sont 3-1. Les Flames contre les Canucks, avantage aux Flames, et les Rangers mènent 3-1 sur les Penguins de Pittsburgh. Ah, ça, je pense que c'est fini, moi, des deux bords. Les deux bords, ouais. Ouais, ben, c'est parce que les Rangers, c'est probablement le meilleur club de cette année. Puis les Penguins sont pas comme. C'est pas les Penguins des beaux jours, là, je trouve. Ils manquent de quoi. Ils ont pas le temps, puis ça paraît. Le Fleury. C'est pas le goaler que. Tu sais, il est quand même bon, là, mais je sais pas, il manque de quoi. Puis tu sais, dans le premier match, je sais pas si tu as vu la vidéo circuler un peu sur Internet, mais Crosby qui lâche en repli défensif, il abandonne, puis qui retourne à son banc. Ça, j'ai. Ah non, même pas, c'était en attaque ou peu importe, je me souviens pas trop. Il attendait une passe, il l'a pas eu, puis il a fait. Wow. Je sais pas. La merde. Ouais, ben c'est un peu ça, puis j'ai pas aimé ça. Moi, je trouve que les Penguins, ils se battent pas pour continuer. Calgary, ça c'est mon. J'avais pris en note, mais c'est mon club impressionnant. Malgré. Justement, que je voulais qu'on en parle tantôt. Ils n'ont pas de Giordano, tu sais. Ils n'ont pas de Giordano, justement. Tu sais, comme je te dis avec Weber, là, quand ton meilleur joueur à défense n'est pas là, faut que tu t'élèves. C'est pas mal ce que Calgary fait. Sauf que à la défense de Calgary ou de Nashville, là, peu importe, c'est que Nashville doit composer avec ça rendu en série. Calgary a été en mesure d'apprendre à jouer sans Giordano depuis un bout de temps. Là. Ouais, c'est sûr, là, mais quand même. Il faut que tu trouves tout le temps un plan B. C'est sûr qu'Hartley l'ont préparé le plan B, ils l'ont mis à jour peut-être, là, mais c'est sûr aussi que Vancouver, je trouve, c'est moins. C'est Vancouver-Chicago, c'est pas la même affaire. Pour Nashville, je parle qu'ils se battent contre une meilleure équipe. Là. Vancouver, je trouve qu'ils manquent de quoi. Les Bondeurs, ils ont-tu vraiment le goaler numéro 1? J'ai un peu de misère à le croire. Like Miller, c'est pas suffisant. Là, ça a l'air. Ben, Miller, Miller, c'est parce qu'il s'est blessé cette année. Ils vont dire qu'il n'est pas revenu au top de sa forme. Mais Eddie Lack, là, c'est. Non, c'est ça. C'est ordinaire. C'est ça. Mais j'aime la diversité. Ce qui sauve les Flames, c'est la diversité à l'attaque. T'sais. Il y a un soir, c'est Monahan qui va marquer. Le soir d'après, ça va être Gaudreau. Après ça, ça va être Hudler. Ça vient de n'importe où. Là. Tout le monde, on dirait qu'il est capable de mettre l'épaule à la roue. Puis, sincèrement, je pense que ce club-là, si ce n'était pas de Bob Hartley, ce serait pas là où est-ce qu'il est actuellement. Non. Ce serait pas le club compétitif. Il a su instaurer, c'est ça, cette compétitivité-là, cette hargne de l'équipe. Puis c'est pas le club qui a mieux monté de la vie, là, on s'entend, là, les Flames. Là. C'est un peu monté tout croche, mais écoute, le coach a fait de quoi de bon avec ce club-là. Là. Moi, je les attendais pas en série, surtout pas mener 3-1 leur série de première ronde. Non, moi non plus, mais j'ai l'impression de voir un peu la Caroline de 2006, là, quand ils ont gagné la Coupe. C'est une équipe de plombiers avec des jeunes qui poussent un peu. C'est ça un peu, là. Parallèle intéressant. Non, mais il y a quelques bons vétérans comme Jerry Odler, Giordano, bon, il est blessé, mais c'est tous des jeunes qui suivent. Dans le temps, en 2006, Rick Stahl, c'était pas le vétéran d'aujourd'hui. Puis, tu sais, je sais pas, moi, je trouve que ça ressemble un peu à ça. Imagine qu'ils se rendent en finale de Coupe, Calgary. Reste à savoir s'ils vont réussir à se faufiler parce que. Je fais juste penser, tu sais, gagnant de la série Blues Wild va être solide. Mm-hmm. Gagnant de la série Hawks Predator, ça va être solide, là. Puis les Ducks viennent de passer, tu sais. Au deuxième tour, c'est pas un walk in the park, là. Ah non, il va falloir qu'ils travaillent en tabarouette, là. Mais t'sais, c'est ça qu'ils font depuis le début de l'année. Oui. Peu importe l'équipe qui gagne dans la série Canucks Flames, ça va être le négligé dans la prochaine. Tu sais. Ouais. Non. C'est sûr, là, dans la prochaine série, c'est sûr que c'est le club gagnant de cette série-là qui est le négligé. Là. Sinon, une autre série qui m'impressionne un peu, oui puis non. Moi, je pensais que les Capitals auraient été moins. Ça aurait été moins dur pour eux. Puis finalement, là, c'est 2-2 la série. Ils travaillent plus que ce qu'ils devaient travailler dans mon sens à moi. Les Islanders, ils font comme un peu ce qu'ils ont fait en début d'année. Là. Ils lâchent pas, puis ça joue super bien. Moi, celle qui m'étonne, je sais pas pourquoi, j'avais ce feeling-là, c'est les Red Wings qui mènent 2-1 contre Tampa Bay. Tampa Bay, là, c'est un sale club offensif. Là. Ils ont du talent en avant, ça n'a pas de bon sens, mais du talent de finesse. Puis on dirait que ça marche pas en série. Ça fait deux saisons là, qu'ils se retrouvent en difficulté en première ronde. L'an passé, ils se sont fait sortir par le Canadien. Là, on est encore tôt dans cette série-là, mais quand même, je pensais pas que les Red Wings étaient en mesure de compétitionner, mais les Red Wings, en série, tu te dis, ben tout est possible avec ce club-là. Là, ben, c'est une machine bien huilée aussi. Exact. Et Tampa Bay, je pense qu'ils font trop de fantaisie. Ouais, ben, moi, en fait, je trouve ça drôle que tu parles de cette série-là parce que dans ma tête, le Lightning va gagner. Parce que c'est juste logique. Ils sont meilleurs que Red Wings sur papier. Ils ont beaucoup plus de buts puis ils ont des scoreurs comme vraiment super bons. Ben, je parle juste Stamkos. En lui, t'as le meilleur, un des meilleurs. Mais il y a quelque part dans mon cœur qui fait ah, je sais pas, les Red Wings, ça pourrait être la surprise puis les éliminer en 5, en tout cas dans le genre. Puis à date, ça peut être parti pour ça. Puis moi, je préférerais sincèrement une série canadien Wings qu'une série canadien Lightning en deuxième ronde. Ah, moi aussi. Juste pour l'avantage qu'on a sur Red Wings. Oui, puis parce que Price a toujours eu un petit peu plus de difficultés contre Tampa Bay, tu sais, cette année. Ouais, ben, pas mal toute l'année. Pourquoi pas, tu sais. Non, je suis d'accord avec toi. Puis je vais faire un parallèle avec Chicago. Là. J'ai le feeling que Chicago, ça va être le Red Wings de notre génération. Ouais, qu'ils sont toujours là, ils sont toujours. Ouais. Ils sont jamais trop loin d'être des contenders. Puis, puis ça dépend toujours de qui pogne, comment que le chemin se dégage ou non. Non, tu sais, tu peux jamais les compter pour éliminer les Blackhawks, ça, c'est sûr. Non, vraiment pas. Moi, je pense que ça fait pas mal le tour pour ce compte-rendu-là jusqu'à maintenant. C'est ce que, comme je vous dis, les auditeurs, on enregistre. On n'a pas fini la première ronde. On a un portrait qui est partiel des séries. Puis peut-être que d'ici 4 jours, ça va être. Des séries vont être finies. Puis d'autres, ça va s'étirer. On le sait pas. On ne peut pas prédire l'avenir. On ne peut qu'évaluer selon la situation. J'aurais aimé ça que le Canadien ait fini sa série pour qu'on puisse tout de suite penser qu'il y a la spéculation, mais c'est pas fait encore. Fait que, qu'est-ce que tu veux? On va être pogné, on va refaire un show, là, tu sais. C'est plate, ça. C'est affaire. Ça va être pogné encore avec moi. Ah, je sais bien. Jerry, sujet de ton bord, tu veux y aller avec quoi? Ben, dans le fond, on va y aller avec McDavid. Je pense qu'on est rendu là. Ah, OK. Orders. Pis ça va être encore super long, fait que je pense qu'on va y aller avec ça. Go! Bon, ben, c'est pas une surprise. Ben, en fait, oui et non. McDavid, bon, c'est pas fait encore, mais on s'entend que c'est sur le bord, tu sais. Les Oilers ont gagné la fameuse loterie qui était diffusée en passant à JB. Mais elle était diffusée, mais la loterie était pas en direct. Ouais, non, c'est ça. C'est cette notion-là, moi, que j'avais vu que, ben, tu sais, si, mettons, là, que la Ligue nationale. Ben, ok, je vais juste centrer, ok. J'ai lu un article, je pense que c'est 25 Stanley, ou en tout cas, peu importe, d'article qui disait, tu sais, la Ligue nationale, c'est une entreprise privée, pis si vraiment ils voulaient s'avantager, ben, le club le plus intéressant pour envoyer McDavid, ça serait Toronto. C'est le club qui a la meilleure valeur déjà actuellement. Et imaginez avec McDavid dans leur rang, la valeur exploserait. Donc, pour la Ligue nationale, ça augmenterait la valeur complètement de la Ligue. Et donc, ils pourraient être tentés, en plus, en ne diffusant pas la loterie en direct, de modifier les règlements pour avantager les Maple Leafs de Toronto. Moi, je lance ça sur Facebook. Théorie du complot. Ha, ha, ha, j'ai du fun. Puis en même temps, ça me chicote le fait que ce soit pas en direct parce que c'est vrai que c'est une entreprise privée. Puis ils font bien ce qu'ils veulent dans la vie, tu sais. Sauf que là, la loterie, ça a donné les Oilers qui repêchent premier. Et là, tout le monde dans la Ligue nationale est comme déçu. It's life, man. C'est la vie, là. Et McDavid s'en va à Edmonton avec les autres premiers choix au total. Et ben, on a de la misère à aimer ce club-là, tu sais, parce qu'ils ont trop été chanceux puis ça a trop pas donné de résultats jusqu'à maintenant. Voilà, on fait de la situation. Ouais, en tout cas, moi personnellement, comme théorie du compo pareil, là, mais j'aurais aimé ça le voir à Toronto ou Buffalo ou ben Coyote. Je pense que c'était mes trois choix. Tu sais, les trois autres après Edmonton. J'ai de la misère avec le fait qu'il aille là-bas. Je pense que lui aussi en avait de la misère, depuis ce qu'on a pu voir. Là, il avait pas l'air d'un gars super heureux de se ramasser. Non, hein? Mais moi, la seule affaire que je vois de bon là-bas, c'est que s'ils s'en vont à Edmonton, là, Edmonton, ils ont de la marge de manœuvre. Tu sais, on parle qu'ils ont besoin d'un défenseur, c'est le temps, là. Va t'en chercher un. Je veux dire, Ryan Nugent-Tompkins, Taylor Hall ou Eberle, c'est clair qu'il y a un là-dedans qui va être sacrifié pour aller chercher un top 2 défenseur. Puis je rappelle... Ben moi, je pense que ça va être Léon, là. C'est quoi? Léon, Drezotil? Ouais, de Dreisalt, là. Dreisalt? Ben, est-ce que lui, là, Léon, là... Léon, je pense qu'il va être sacrifié. Ah, moi, peut-être. Moi, je pense que c'est lui. Peut-être. Non, c'est sûr, mais tu sais, je veux dire, si tu veux vraiment... Parce qu'on s'entend, là. Le besoin est criant à Edmonton. Il te faut un def. Les autres DG sont pas caves. Ils savent que t'as besoin d'un def. Fait que... Puis je l'ai rappelé, la proposition de transfert que tu avais fait en début de saison. Markov est encore disponible, selon moi, si tu me donnes Eberle. Oui. Mais moi, je mettais plus ça, genre, il y a 2 ans, là, parce qu'actuellement, c'est... Je trouve que Markov est trop vieux, là. Je pense que les Oilers le feraient pas. Mais en tout cas, McTavish, je pourrais le faire. En tant que idiot du village. Hey, il nous a donné Petrie contre un joueur de deuxième ronde puis un autre petite affaire. Là. En tant qu'idiot du village chez la communauté des DG, je pense que McTavish pourrait se faire pogner. Mais bon, on reviendra là parce qu'il commence à avoir des noms qui circulent là, pour la job de DG. Là. Effectivement. Mais sinon, je sais pas. C'est sûr que j'aimerais voir McDavid comme le sauveur des Oilers. Mais semble. Bon, je dis ça chaque année, mais il me semble qu'il serait temps là, pour les Oilers d'être en haut là, ou d'être plus haut pour faire les séries. Puis imagine si McDavid peut les amener là. Si lui, il finit la saison avec 90 points, puis qu'il. Tu sais, qu'il rentre dans la porte d'en arrière dans les séries, puis qu'ils font les séries, ils passent la première ronde. L'intérêt va peut-être en venir là, pour les Oilers. Puis tu sais, on parle de McDavid comme un lush. Le joueur de la génération, le Crosby. Tu sais, je veux dire, il y a des bons joueurs en place là, sur Edmonton. Ils sont juste mal encadrés. Si tu changes justement les têtes dirigeantes, des affaires comme ça, puis tu apportes quelques bons vétérans, parce que c'est pas Andrew Ferens qui va faire la différence, on s'entend. Là. Si tu apportes quelques bons vétérans pour encadrer les jeunes, leur montrer la job, leur montrer c'est quoi être un bon joueur de hockey, une bonne équipe, je pense que l'équipe peut virer de bord assez vite. Puis j'espère pour eux. Parce que si McDavid rentre là, il fait rien, puis que ça devient un flop, oh, que les Oilers. Moi, je dis que ça va être à cause d'eux autres. Un autre flop, là, c'est comme Yakupov, là. Ouais, mais Yakupov s'est replacé un peu cette année, c'était moins pire, là. C'était pas. C'est pas un shot de première ronde, là. C'est un peu Louis Leblanc. Ouais, mais tu sais, premier overall, t'es pas censé te tromper. Non, effectivement, tu sais. Moi, j'aurais pris Murray à leur place, mais bon. Il est tout le temps blessé, là, mais bon, ouais. Ouais, mais là, ça aurait peut-être pu être pas pareil. Ça aurait plus cadré avec ce qu'ils ont de besoin. Effectivement. C'est pour ça aussi, justement, ça compte plus avec ce qu'on a besoin. Je me souviens pas tous des noms, mais il me semble qu'un défenseur dans le top 5 là, cette année. Là. Écoute, il faudrait que je sorte la liste des candidats potentiels. Là. T'as peu. Mais toi, bref, tu me demandes des affaires là, ouais, live. Moi, live en différé. Non, mais mettons qu'il y en aurait un, même s'il n'y en a pas un, c'est pas grave. Mettons qu'il y en a un, est-ce que tu passes McDavid? Non, tu peux pas. Non, arrête, là. Arrête. Non, comment c'est pas ça, toi? Non, fait que logiquement, t'es mieux de prendre McDavid puis d'échanger quelque chose que t'as déjà en ta cour. Oui. Oui, oui, oui. Mettons que le joueur qui a le plus de valeur sur ton premier trio, c'est qui? Ben, t'échanges pas ton gars qui a le plus de valeur sur ton premier trio? Non, parce que ça va être McDavid. Mais mettons... entre Taylor Hall, Nugent Hopkins et Eberle, lequel tu te débarrasses, là? Mettons que t'es le DG des Oilers. Moi, je pense que c'est... J'aurais tendance à dire Hopkins, mais parce que il est petit, il est vraiment petit. Il a tellement de talent, mais il n'a pas le 16. En tout cas, pour être un premier centre, là, de toute façon, il ne sera pas premier centre parce que c'est Connor McDavid qui s'en vient prendre le spot. Là. Fait qu'il va tomber naturellement deuxième centre. Mais il pourrait être un premier centre ailleurs. Oui. Mais tant qu'à sacrifier un gars, je sacrifierais lui parce que de toute façon, tu as quelqu'un pour le remplacer comme premier centre. Effectivement. Puis je trouve ça long parce qu'en même temps, il y a Taylor Hall qui, ça a l'air, est en train de tout faire pour être sur le premier trio avec McDavid. Je viens de trouver la liste. Là, dans le, écoute, ça, c'est la liste, le ranking de mars. C'est la liste de Craig Craig Button de TSN. Okay? C'est son ordre à lui. Top 3, McDavid, Eichel, Strome. Après ça, Marner, qui est... moi, je pense que ça devrait sortir bien avant Strome, là, mais en tout cas, on y reviendra peut-être éventuellement lors d'un show à l'entour du draft. Pour les défenseurs, numéro 5, Ivan Provorov, qui est avec Brendan dans la WHL. Zach Werenski avec Michigan State dans la NCAA. Et huitième, Noah Hanifin avec Boston College, lui qui était en équipe avec Eichel, 6 pieds 2. Moi, je pense que c'est le meilleur potentiel défenseur là, à Hanifin, même si Button le classe 8e, là, mais c'est le gars que je viserais. Là. Si j'étais une équipe qui avait besoin d'un premier défenseur, c'est le gars que je viserais. Là. Fait que tu sais, oui, il y en a. Mais tu peux pas passer à travers le joueur de la génération. Non, c'est sûr. Surtout qu'on en parle depuis 13 ans. Genre. Sauf que ce qui peut être intéressant, c'est que les Oilers, ils ont un autre choix de première ronde. Celui des Pingouins. Ouais, effectivement, c'est vrai. Et donc, tu pourrais peut-être échanger un gars moins important, mettons, pour ton alignement, plus le choix de première ronde pour grimper plus haut. Est-ce qu'il y a une équipe qui serait prête à le faire? La question se pose. Certainement qu'il y a une équipe qui est prête à le faire. Mais une équipe qui n'a pas fait les séries ou bien... C'est à voir. Mettons Ottawa pour échanger à Hammond. C'est un peu le... Ouais, peut-être pas de même, mais... Mais Hammond, je pense pas qu'il y ait une grosse valeur dans la Ligue nationale. C'est ça va avoir l'air ironique là, par rapport à la situation des sénateurs puis qu'est-ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant. Mais le gars, là, tu sais, un gardien de but, à un moment donné, il faut que tu regardes l'ensemble de la carrière, là. Puis, comme je te dis, des goleux qui te popent une vingtaine de matchs sur la tête, il y en a tout le temps un. Là, cette année, c'était lui. Je pense pas que les équipes vont se faire avoir et vont aller chercher un gars comme Hammond, le considérer comme un gardien de but numéro 1 à long terme avec leur formation. Quand le gars, il y a même pas 6 mois, était dans East Coast League, il y avait des résultats de marde. Ouais, non, c'est vrai. Vas-y, là, je pense que les équipes de la Ligue nationale regardent plus loin que le bout de leur nez quand c'est le temps d'évaluer un gardien de but. Oh, mais on parle quand même de McTavish. Là. Il cherche un numéro 1. Ouais, mais regarde, tu penses à Dominique. Oui, il s'est fait défoncer hier par les Blues, mais qui était ordinaire avec les Oilers. Puis là, il arrive avec le Wild dans une bonne équipe, puis il fait la job. Il suit la rondelle. Oui, avec ses yeux. Ouh! Wow! Révolution. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que un goaler moyen dans un bon club défensif va être capable de faire de bonnes choses. Actuellement, les Oilers te mettraient... Tu mettrais, là, mettons, Ryan Miller. Tu mettrais Carey Price. Mais OK, on jase. Mets Carey Price avec les Oilers. Puis il se fait défoncer 4 buts par match, pareil. À un moment donné, là, au lieu que ça soit 5, ça serait 4-3. Tu sais, 4 ou 3 par match. Comparativement à la moyenne actuellement. Tu sais, à un moment donné, le gardien ne peut pas faire des miracles. Ça prend plus que juste un gardien de but. Tu sais. Non, c'est sûr. Ça te prend la défensive, ce qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils l'ont, l'attaque, selon moi. Ils l'ont. C'est juste qu'il n'est pas appuyé. Exact. Fait que Anafin, on vise Anafin, mais ils l'auront pas. Non, ils l'auront pas parce qu'ils sont pas assez brillants pour faire ce que moi je t'ai dit, faire un package premier choix plus Drezetel, mettons Léon. Moi je vais l'appeler Léon, OK? Quand j'ose de Léon, c'est lui là. Si tu fais un package, ces deux éléments-là contre Anafin, tu t'assures qu'il est encore disponible au draft. Hein? McTavish? Fais pas la change quand le gars, t'es pas sûr de l'avoir, bâtard. Et, c'est ça. Tu vises ce gars-là, puis ben, tu viens déjà, tu te rebasses, mettons, là, avec Anafin, Nurse, puis Cliff Bomb. Tu sais, leur top potentiel, l'équipe est capable d'avoir un top 3 défensif qui fait du sens. Ils sont juste pas rendus là. Le problème, c'est qu'ils ont repêché leurs défenseurs. J'en reviens encore avec ça. Ils ont repêché leurs défenseurs après leurs attaquants. Faut que tu le fasses avant. L'avantage des Blackhawks actuellement, c'est qu'au moment où est-ce que Patrick Kane et Jonathan Toews ont popé dans l'équipe, là, puis qu'ils étaient prêts à exploser les charts des meilleurs pointeurs, puis donc offensivement, les gars, ils avaient 19-20 ans. Les défenseurs qui étaient en place, Keith puis Seabrook, avaient 24, 25, 26 ans. Non, il y avait l'expérience. Ils étaient prêts, tu sais, à assumer ce rôle-là de relance. Puis à cette heure, ils grimpent tout ensemble, là, l'équipe Rice, tout ensemble. Puis écoute, on les a vus, c'est des contenders à la Coupe Stanley tout le temps parce que les clubs ont été bien montés. Puis à la limite, les Blackhawks, c'est encore un exemple de gardien de but moyen. Crawford est correct, là. C'est un bon gardien de but, il a un bon coach de gardien, ça l'aide beaucoup dans ses performances, mais il n'y a personne qui le voyait comme un gardien de but numéro 1 dominant dans la Ligue nationale. Il est dans moyenne, mais avec une bonne défensive, il s'en sort. Non, J'attends les appels des équipes de la Ligue nationale. Si vous voulez que je vous bâtisse un club, je suis disponible. Il faudrait que je trouve une place dans mon horaire, mais on pourrait s'arranger. Si le cash est là, je suis prêt. Je peux embarquer. C'est bon, je vais être consultant, OK? OK, c'est bon. Mais, je vais penser à toi. Mais ça me fait penser à Rob Ford qui s'est impliqué. Ouais, il fait un petit peu comme le maire Coderre à Montréal qui disait que Desharnais, il fallait qu'on l'envoie à Hamilton. Rob Ford, il dit si j'étais des Maple Leafs de Toronto, là, j'amènerais Mike Babcock comme GM. Et Mike Keenan comme entraîneur-chef. T'en penses quoi de ça? Ben, Babcock, d'après... Comme GM, là. Ouais, mais j'ai le feeling qu'il va rester coach pareil avec Détroit, moi. Je pense qu'il est trop imprégné de la loyauté des Red Wings. Ça se peut. Mais sinon, il va se faire offrir un gros montant d'argent avant. C'est sûr, là, ça va être genre le coach le mieux payé ou peu importe ce qu'il va faire dans l'équipe, il va être le mieux payé de la ligue, là. C'est sûr que ce gars-là, c'est quelque chose pour rien. Honnêtement, tant qu'à moi, ça serait une bonne affaire pour Toronto, mais il te ferait un espèce de ménage. C'est clair qu'il se fait un ménage. Puis en même temps, je sais que les Détroit voulaient, mettons, Dion Phaneuf avant la date limite. Ouais. C'est-tu Babcock qui le voulait? Je sais pas, là. Parce que s'il s'en va à Toronto, Dion Phaneuf va peut-être rester là. Non, je sais pas. Je pense qu'il y a n'importe quelle équipe qui le prend vont bénéficier de toute l'expérience. Mais pas comme GM. Ben, t'es pas comme GM. Là, je parle peu importe ce qu'il va faire dans l'équipe. Je pense que ça va être bon pareil. Là. Mais non, moi j'ai un bon feeling pour lui, mais moi je pense qu'il va rester là. Parce que Scotty Bowman, après avoir quitté le Canadien de Montréal, il voulait avoir le poste de DG avec le Canadien. On lui a pas donné. Il avait gagné la Coupe Stanley. Il avait été un club pacté puis il avait été capable de l'amener jusqu'à la Coupe Stanley. Il était comme DG avec Buffalo. Ça a chié son affaire. C'est plate, là. J'adore Scotty Bowman. C'est une bonne tête de hockey, mais c'est un coach. C'est pas un DG. Non, c'est ça. C'est pas parce que t'es bon comme coach que t'es bon comme DG. C'est pas parce que t'es le gars qui a scoré le plus de points dans l'histoire de la Ligue nationale que tu vas arriver derrière un banc d'une équipe et tu vas faire des miracles. Ici, je parle de Gretzky. Ouais, c'est ça. Tu parles de Gretzky, toi, là? Ah oui, je glisse Gretzky dans les discussions de même. Moi, je vais. Tu sais, ça veut pas dire. Je pense, entre autres, à Maurice Richard. Il a coaché deux matchs dans la Ligue nationale avec les Nordiques. Il était pas capable de voir les gars se pogner le bang puis pas tout donner comme lui. C'est pas parce que t'es un bon joueur que t'es nécessairement un bon coach. C'est pas parce que t'es un bon coach que t'es nécessairement un bon GM. Faut arrêter de penser de même dans la Ligue nationale. Puis c'est trop souvent le cas. On donne des jobs à des gars parce que... je sais pas, ils ont là, de la renommée. Ouais, ils ont de la renommée. Je pense que c'est la loi de Murphy que ça s'appelle. C'est que on va tout le temps te faire grimper dans une hiérarchie d'entreprise tant que t'es bon jusqu'à ce que t'atteignes un poste où est-ce que t'es pas bon. Ouais, là, tu vas arrêter de grimper. Il y en a qui ont jamais joué aussi au hockey. Là. Puis c'est des têtes de hockey comme ça, même pas de bon sens. Eh oui. Check-moi. L'art de se plugger. C'est pas vrai, toi, t'as déjà joué au hockey. Un NHL. Hein? Ouais, ouais, ça compte-tu. Je sais pas. En tout cas, tout ça pour dire que je pense que Rufford, autant que Denis Coderre, devrait se mêler de ses affaires. Mais que les Maple Leafs de Toronto devraient quand même tenter de complètement modifier la soupe là-bas, brasser ça, parce que c'est tout croche puis ça s'enligne pas pour s'améliorer. Alors, ça prend une espèce de ménage que je pense Edmonton vont peut-être commencer à faire. Peut-être. Hey, d'ailleurs, parlant de ménage... Faut que tu aies fait le tien, c'est bon, c'est correct. Non. L'ex-DG des Bruins, ça fait drôle de dire ça depuis... ça faisait quasiment 10 ans qu'il était à bord des Bruins. Peter Chiarelli, qui est maintenant libre comme l'air, il y aurait eu des discussions avec les Oilers. Tu l'embauches-tu? Ouais. C'est une bonne idée? C'est-tu... Ben, il a construit une équipe gagnante. Il y a eu une Coupe Stanley. C'est sûr que là... peut-être des mauvaises décisions côté salaire. Loutchik marchand, mettons. C'est sûr qu'il n'a pas été chanceux aussi avec quelques blessures. Mais en même temps, il parle pas d'un poste de DG. Il parle d'un poste dans l'environnement de l'équipe. On s'entend que si tu lis entre les lignes... Parce que McTavish est encore en poste, c'est juste pour ça. Ouais, c'est ça. C'est probablement que McTavish, c'est pas lui qui va dire « We are proud to select... » Tu sais, d'après moi, c'est fini, là. Moi, je le verrais peut-être là-bas. Je pense que Newton le voit là aussi s'ils l'ont appelé. C'est une bonne tête d'hockey. Peut-être qu'il va aller chercher une coupe de joueurs de Boston aussi. Tu sais, on parlait des Eberle à un moment donné, qu'il y avait des rumeurs qu'il envoyait à Boston. Si Charlie est là, ça va peut-être arriver. Quoi qu'en même temps, c'est peut-être lui qui le voulait, fait qu'il l'a déjà, j'ai rien dit. Mais, tu sais, je sais pas, c'est... Je viens de lire Christopher Pellerin qui collabore, entre autres, sur 25 Stanley, qui écrit « Imagine Charlie qui a le poste comme DG à Edmonton. Il lâche un call à Claude Julien pour s'en venir comme coach. Hein. On vient de régler deux papiers problèmes, là. » Ouais, quand même. Quand même, hein, quand même. Parce que Claude Julien, c'est quand même un bon coach, là, je veux dire. Oui, oui. C'est juste les joueurs, là. Il est détestable, mais bon. Oui, mais en même temps, je pense que c'est ça que ça va prendre. C'est ça que ça prend à Edmonton. Un coach qui, tu sais, fameux voyeur, c'est moi qui lead ici, là. Je pense que c'est ça que ça va prendre. Moi, je suis pas tant sûr avec Charity. Pour, ben, t'as parlé de masse salariale, ils sont complètement coincés. Il a échangé Séguin contre trois poches de patates passées date. Ouais, mais il pensait pas que c'était des poches de patates passées date. Ben, ça, c'est ta job de DG de faire sûr que c'est pas des poches de patates passées date. Et troisièmement, il a laissé l'équipe avec Chara dans les pattes. Gros contrat, mais plus, il est plus capable d'offrir les performances à la hauteur de son salaire. Ah, oh, mais en même temps, il s'est blessé, hein. C'est tough échanger un joueur blessé. Ouais, mais il fallait que tu l'échanges avant. C'est à toi de prévoir que le gars, il va baisser de valeur. En même temps, tu le sais pas. Peut-être qu'il a essayé de l'échanger. Puis que, genre, il s'est blessé, puis ça. Ça a scrappé un échange. Qu'est-ce que j'ai, moi, comme résultat? J'ai qu'il l'a pas échangé. Bon, c'est tout. OK, c'est bon, t'as raison. Je commencerai pas à faire des si, moi, là. Hey. Moi, j'en fais en tabarouette des si. Moi, je spécule pas, je parle de vraies affaires. On fait des si spéculer depuis tantôt. Parce que... Donc, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça. Pourquoi rapper tout ça ensemble? Tu sais, tu vas revenir avec les... peut-être, non. Moi, je suis pas tant sûr que ça serait une bonne idée. Je verrais encore une fois Brisebois, l'assistant DG. Ouais, Julien Brisebois. Ouais, l'assistant DG de Tampa Bay. Envoie Edmonton, puis construit un club, et il l'a fait. Là. Il a aidé Eisenman avec Tampa Bay. Pourquoi pas? Il a aidé le Canadien il y a quelques années aussi. Alors, pourquoi pas? Tu sais, donner la chance à d'autres mondes. Je l'essaierais, moi. Puis, tu sais, mettons Julien Brisebois comme DG, puis Guy Boucher comme entraîneur. Tu pourrais faire la job. Ouais, et ben, un coach plus technique, là, plus de système de jeu. Il me semble qu'Edmonton, ça ferait pas de tort. Ils n'ont pas de système de jeu, là? Edmonton? C'est subtil, mais je pense que non. Ils ont de la misère, en tout cas. En tout cas, c'est pas évident. Avais-tu d'autres choses à jaser, Jerry? Ben, vite fait. Vraiment, un aparté. Tarasenko, moi, me fait encore rêver à Montréal. Je reviens sur un ancien épisode. Méchante bonne série, à date. Combien qu'on lui donne? 7 millions? Peu importe. Te l'amener à Montréal comme RFA, là. Ah ouais, tu le sais. Tu t'arranges pour que Saint-Louis se fasse soir de la merde, on ne suit pas. On peut en donner les choix de ronde pour lui, moi je m'en fous. Il est prêt. Ah, il est prêt. Il est prêt pas à peu près. Il a marqué victoire 6-1 des Blues contre le Wild hier soir et il a marqué un but à la Fosberg. Tu sais, faire la fin d'aller vers la gauche, tu tires ton bâton vers la droite puis tu fais rien au bout de ton bras, passer à rondelle dans le dos du gardien de but. Là. Wow, magnifique. Ça prend du talent pour être capable de faire ça. Brandon Prost l'a pas fait. Je pense que Tarasenko a un petit peu plus de talent que Prost. Je dis ça de même. Encore une fois, moi, j'ai utilisé tes mots. C'est subtil, mais... tu paraphrases. Wow! J'aime ouais, ça. Je suis de même. Mais ouais. Non, pour vrai, Tarasenko, on s'entend que c'est clair qu'il va rester là, mais un espèce de joueur... Ça devient un des prototypes parfaits d'attaquant de puissance avec une espèce de shot. Ouais, puis capable de faire des fêtes aussi. Il y a tellement d'outils, ce gars-là. C'est fou, là. Ah, il est mobile même s'il est gros. C'est fou. Il est pas overweight, là, on s'entend. Non, mais il est pas petit. Je vous pas Bufflin, là, mais oui. Non, c'est ça. C'est un entre-deux entre Nugent Hopkins puis Bufflin, mettons. Ouais. Il y a une mer de possibilités, puis il est direct dedans. Fait que c'est ça, Tarasenko me fait encore rêver. Je l'ai juste revenu là-dessus. Ok, non, on avait oublié qu'on rêvait, mais là ça recommence. Maudit Jerry en marde. Là t'as le ramené. Je suis pas né pour repenser à ça encore puis me torturer mentalement. Si je serais bon en Photoshop, je ferais Nugent Hopkins, mais Tarasenko avec le jersey du Canadien. Ah, ce serait beau à voir. Peut-être demander à Sacha. Ouais. Mais je sais pas s'il y a du temps pour des niaiseries de même. Bye. Ouais, non, peut-être pas, mais c'est pas grave. Parce que moi, comme je dis tout le temps, c'est dangereux. Un gars qui connaît Photoshop, c'est dangereux. Tu te mets pas ça à dos. Moi, je suis tout le temps en fin avec eux autres, juste pour ça. Juste au cas. C'est incriminant du monde qui connaît Photoshop. Ah, t'as pas eu encore de photos, toi, et hein, ton effigie, tout croche. Oui, c'est arrivé. Ouais? Ouais. Mais comme je suis fin, ça arrive pas trop souvent. C'est bon, ça. Parce que je suis pas comme William, je suis pas des bonbons. Oh, mais lui, il lève sa photo, c'est pas pareil. En plus, il a rien compris. Ouais. As-tu d'autres choses? Pas vraiment, en fait. Ça fait pas mal le tour parce que t'avais deux sujets pareils comme le mien, puis on en a parlé en long et en large. Ouais, c'est ça, on a fait le tour pas mal. Passe sa palette, vous avez des passes à palette, c'est toujours possible via les réseaux sociaux sur facebook.com/. Hors-jeu podcast ou encore @hors-jeu podcast, ça c'est via Twitter bien sûr. Vous nous envoyez vos sujets. William et Montguenette nous demande Hammond ou Anderson pour le prochain match, et vu le blanchissage, je pense qu'on n'a pas trop le choix de dire Anderson. Écoute, il a prouvé que il voulait reprendre sa place de numéro 1, que Hammond c'était juste c'est une balloune. Match numéro 3, 47 arrêts sur 49 lancés. Et hier, blanchissage. Un moment donné, là... Je pense que ça penche en balance. Ça parle par lui-même, là. Je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour garder sa place. Sinon, je me demande qu'est-ce que ça prend, là. Non, je suis... Ben écoute, on va être assez catégorique. Anderson. Mais je préférerais Hammond pour le Canadien, mais ça va être Anderson. C'est ça. Je pense qu'on a joué dans le mental d'Anderson. Moi, je pense l'année prochaine, je suis même pas sûr qu'il fait le club. Hammond, tu parles? Ouais. Ouais, non, moi tout, je dois vraiment, il va descendre en bas, il va être deuxième goaler. Il va faire un peu comme Tokarski. Hein. Ouais. Hey, on s'est pas reparlé depuis la fin de la saison. Premier show qu'on fait ensemble. Juste te dire, j'ai fini deuxième, moi, dans le pool de la soirée du podcast. Toi, t'es quel rang, Jerry? Puis on avait aussi Jean-Sébastien Chapelot qui voulait qu'on parle des Oilers. On l'a fait dans le show. Ouais, je pense que c'est fait. Fait que, ben, c'est ça. Ça fait pas mal le tour. À moins qu'il y ait d'autres choses, mais je penserais pas. Si vous avez d'autres sujets, vous avez d'autres idées, vous voulez qu'on fasse des shows plus souvent, faites de la pression sur Jerry, c'est tout le temps de sa faute. Ouais, je sais. Mais là, t'as eu 4 jours de libre, fait qu'on refait un show dans 4 jours. Si le Canadien gagne la série, faut qu'on refasse un show, on n'a pas le choix. Ouais, fin de semaine ou mardi prochain. Ok, c'est bon. C'est pris, c'est coulé dans le béton, tu l'as dit en onde, c'est fait. Ouais, c'est fait. C'est pas le choix. Jerry, où est-ce qu'on te retrouve si on veut te parler sur les réseaux sociaux? Tu vas me retrouver partout sur Internet, Marc Jerry Godbout dans Google. Non, c'est pas vrai. Ben, peut-être que oui, mais en bref. Sur Facebook, Jerry Godbout, je vais être là. Add-moi ou suis-moi ou fais ce que tu veux. Là. Tu peux aussi aller sur ma page et ne pas me liker. Écoute, je viens de taper Jerry Godbout sur Facebook. Et pas sur Facebook, mais Google, ça sort ton Facebook et ça sort une photo de toi, 3 photos de dudes qu'on connaît pas et une de Jerry Boulet. Cool. Fait, voilà. C'est cool. Fait. La recherche est officialisée. Je suis sur Twitter aussi à Godbout25. J'essaie de l'utiliser un petit peu plus. L'entre-saison arrive après les séries, ce qui est assez logique. Fait que je vais sûrement l'utiliser beaucoup plus. Sinon, en tant que tel, je suis sur d'autres projets avec deux de mes amis. Je suis sur Les Geeks sont parmi nous, où on parle de stuff geek. Avec beaucoup de sérieux. Oui, ben oui, c'est votre marque de commerce. Ouais. Donc, c'est ça, je suis sur ça, puis j'apparais quelques fois aussi, justement, il va falloir en faire un bientôt, mais sur Podcast Sega Malone, sur des chroniques de fanfilms, donc même chose, hein, j'ai pas beaucoup de temps pour hors-jeu, fait que j'ai eu un peu moins de temps pour Podcast Sega Malone, mais bon, sinon c'est pas mal ça de mon côté, puis tout ton bord, ça a l'air que tu fais l'autre podcast. Ben oui, réalité augmentée, la techno à un autre niveau, show un petit peu dans la même lignée que les geeks sont parmi nous. Mais facture un petit peu plus sérieux, quoique des fois on se permet quelques petites blagounettes entre amis. Des blagounettes. Ouais, ça c'est comme des petites blagues. C'est un mot inventé, là. Cherchez-nous sur Facebook, là, puis tout ça. Réalité augmentée, donc cherchez ça. Sinon, moi, personnellement, je suis disponible sur Facebook. Je vais gagner. Vous voulez me parler de hockey, aidez-moi. Sinon, Twitter, @gangj_b. Puis c'est pas mal ça. Et sinon, ben hors-jeu, on a les réseaux sociaux. Hors-jeu podcast, comme je disais, sur Facebook. Et @hors-jeu podcast sur Twitter. C'est la façon la plus simple de nous rejoindre si vous avez des passes sur la palette. Merci beaucoup, Jerry, pour cette magnifique aventure. Mais merci à toi, JB, de l'avoir l'idée. De main de maître. Et merci à tous les auditeurs d'avoir été du rendez-vous. Merci d'être aussi nombreux. On ne sait pas combien vous êtes, mais merci d'être vous autres. C'est probablement assez pour remplir le Centre Bell. Minimum. Minimum. En bas de ça, je serais déçu. Et on vous dit à la prochaine fois dans un autre hors-jeu. Bye bye tout le monde. Ciao là. Go Habs, go!